Put your hands together one time. Bonjour à tous et bienvenue à Entrepod, le podcast de FrenchPod, où nous parlons de culture, de nourriture, de musique, enfin à peu près tout, à partir du moment où cela touche à la francophonie et à la langue française. Alors l'émission d'aujourd'hui, en cette période de fête, elle va être très très très relaxe, puisque nous allons tout simplement jouer. Alors bon, je vous vois déjà un peu sourire, qu'est-ce qui va se passer? En fait, nous allons simplement jouer au Virlang. C'est quoi les virlangues, Amaury? Moi, je connais pas. Alors, on va voir dans quelques instants. Donc, pour ce, j'ai ici quatre potes avec moi, quatre amis qui sont venus me rejoindre pour participer à ce jeu. Alors, en premier lieu, on va chacun se présenter. Si tu veux bien commencer, Christella. Salut tout le monde, c'est Christella. Christella, qui n'est plus à présenter, en fait, puisqu'elle est de FrenchPod, vous la connaissez. Ensuite, nous avons également Charlotte aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Charlotte et je viens de Lyon. Salut Charlotte. Ensuite. Alors moi je suis Benjamin, je viens de Lille. Du nord de la France donc. Exactement. Coucou tout le monde, moi c'est Serge de la capitale, Paris. Parfait, ok, donc nous avons 5 personnes qui représentent bien la France. Donc voilà, un virlang. Est-ce que vous saviez ce que c'était avant de venir ici? Vous aviez déjà entendu ce mot? Honnêtement non, non plus. Moi je savais ce qu'était un virlang. D'accord. Sans vouloir paraître trop prétentieux. Mais c'est vrai que c'est pas un mot très courant quoi, en français. C'est pas aussi courant qu'en anglais tongue twisters. Ok, d'accord. On va commencer d'ailleurs tout de suite, tout le monde va très facilement comprendre. Donc là, on va jouer avec la langue française. Et je vous demande de prêter vraiment attention. Alors, qui veut commencer? Les femmes d'abord? Je pense qu'on devrait laisser l'honneur aux débutants, et en particulier aux débutants qui ont besoin de pratique. On pense à Serge en tout particulier. Alors, je vais commencer. Chez les papous, il y a les papous papa et les papous papapa, et des papous apou et des papous papapou. Donc chez les papous, il y a les papous papa apou et des papous papa papapou et des papous papa poupou et des papous papapa apou. Ce qui ne veut rien dire. Si vous avez compris, vous êtes très très fort. Ok, bah, essaye de lire un peu plus doucement. Chez les papous, il y a des papous papa et des papous papapa et des papous apou et des papous papapou. Donc chez les papous, il y a les papous papa apou et des papous papa papapou et des papous papapa apou et des papous papapa papapou. D'accord, qui a des poux là? Moi j'ai rien compris. Hein. Ça doit être indien. Moi non plus, j'ai pas compris grand chose en fait. Il y a un truc avec le P. Alors, est-ce que quelqu'un veut continuer? Maintenant, on peut se montrer gentleman. D'accord. D'accord, bah, vas-y. Moi j'ai une histoire avec Coco. Alors, Coco le concasseur de cacao courtisait Kiki la cocotte. Kiki la cocotte convoitait un caraco kaki à col de caracu. Mais Coco le concasseur de cacao ne pouvait offrir à Kiki la cocotte qu'un caraco kaki sans col de caracu. Le jour où Coco le concasseur de cacao vit que Kiki la cocotte arborait un caraco kaki à col de caracu, il comprit qu'il était cocu. Waouh! Ah, bravo! Bon. Excellent! Ouais, elle était facile aussi celle-là. Ah, Maurice, c'est ton tour. Quoi? Attends, toi, Maurice, vas-y, essaye. Essaye, Coco. On a dit qu'on faisait pas les mêmes. On va changer. Je suis pas très bon, je vais commencer par une petite, en tout cas, je sais pas si elle est facile. Alors, cette taxe fixe excessive est fixée exprès à ex par le fisc. Ah, pas mal. Alors, on reprend peut-être une dame. On va alterner, peut-être. Oui, Benjamin, tu laisses les femmes parler, s'il te plaît. Autant pour moi. Bon, je vais la lire doucement en premier, et ensuite je vais essayer de la lire vite, mais je vous promets rien. Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu? Dans le puits, Pépita, pourquoi tu t'appies-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est pitieux. Ah. Même maintenant, j'y arrive pas. Ok, c'est reparti. Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds, Pépita, ne peux-tu te passer? Alors maintenant, je vais essayer de la lire rapidement. Ah, pourquoi Pépita... Très bon début. Merci, Benjamin. C'est la troisième interruption, t'es devant. Hein. T'as un gage. Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu dans le puits Pépita? Pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds, de mes Pépita, ne peux-tu te passer? Merci. Excellent. Bon alors, Benjamin, j'ai l'impression que tu frémis d'impatience. Exactement. Je vais commencer directement avec du haut niveau. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand te dégros gras, grand grain d'orge vas-tu? Je me dégros gras, grand grain d'orge. Oula, ah, voilà. Il faut dire que le mot comporte à peu près une dizaine de syllabes, avec une répétition de sons. Je recommence. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand te dé gros gras, grand d'arge, voilà. Attention, Benjamin, troisième. Il faut dire aussi que j'ai pas pris des phrases faciles qui ont deux mots ou trois mots. Tu comment vises quelqu'un ça, Benjamin, tu me vises en particulier? Non, du tout, du tout. Dis-moi, gros gras, gros d'un... Pas dehors, dehors, Benjamin. Je recommence. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand des gros gras, grand d'orge... J'y arrivais pourtant. Je pense qu'il faut que tu changes de phrase. J'y arrivais pourtant. Ouais, bonne idée. D'accord. Allez, on va commencer doucement. Tu la gardes pour la fin. À mon avis, si tu pratiques... J'ai voulu être trop prétentieux, c'est pour ça. Voilà, essaie de t'entraîner avec des choses plus simples, plus à ton niveau. Voilà. C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa, et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada qu'il dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé. Waouh! Voilà. Et je n'avais pas la fin de la phrase, je tiens à le souligner, c'était de mémoire. Bravo, bravo, Benjamin. Bon, dis donc, Serge, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Bah, disons que Benjamin monopolisait le micro. Donc... Un chasseur, ça s'en chercher sans son chien, est un bon chasseur, c'est nul. Moi, personnellement, j'ai entendu que c'est ça. Moi, je voudrais que tu la répètes tout doucement, celle-ci. Alors, pour te faire plaisir, je vais la répéter. Un chasseur, ça s'en chercher sans son chien, est un bon chasseur. Ah. Sais-tu, elle est pas plus longue que ça, celle-là ? Elle s'arrête non, là ? Non, c'est ça. Ok. Amaury ? Quoi ? Bah, on t'a pas entendu, toi non plus. Ah non, mais on continue l'ordre, non ? Faut que je reprenne ? Y'a pas d'ordre, c'est ton tour. Ok. Quelque chose qui me fait plaisir, les saucissons, attention. Combien sont 6 sont 6 sont 6 ? C'est 6 saucissons sont 6 sous. Et si 6 sont 6 sont 6 sont 6 sous, ces saucissons 6 sont trop chers. J'ai pas l'impression que j'ai bien fait. On entendait des S. Ta langue aurait-elle fourché ? Dans le même registre, j'ai peut-être quelque chose. Vas-y, ouais. 6 saucisses, 6 saucisses, 6 saucissons. Il y a beaucoup de S également. Également. C'était un deuxième challenge. Ça doit venir du même auteur. Alors, hein. Je préfère gros gras grand grain d'orge. Alors moi, mon challenge, c'est sachez, mon cher Sacha, que Natacha n'attacha pas son chat. Alors ça a l'air simple comme ça, mais j'ai vraiment du mal quand il y a beaucoup de S et de ch. De vous remarquerez au passage l'extrême lenteur. Merci, Benjamin. Donc je vais essayer de dire vite. On ne rit pas. Sachez, mon cher Sas... Et voilà. Attendez. Sachez, mon cher Sas... Vous remarquerez au passage également que les S et les H sont tous inversés, à savoir que quand c'est un H, donc ch, on entend un S et inversement. Moi, je vais prendre un café. Hein. Je réessaye. Sachez, mon cher Sacha, que Natacha n'attacha pas son chat. Très, wow. Très bien. Alors moi j'ai un virlangue. Alors écoutez bien. Gisèle, gel, des aisselles sous l'échelle chez elle à Courchevel. Quoi ? Gisèle. Non seulement ça veut rien dire, mais en plus on ne comprend rien parce que d'abord. Gisèle qui a un prénom. Gisèle, gel, des aisselles sous l'échelle chez elle à Courchevel. Elle a pas de chance, Gisèle. C'est clair. On revient vers toi, Charlotte. Alors, sans parler de Gisèle, c'est pas beau, mais t'entends de tenter de tâter, de téter les tétons de Tata quand ton tour n'est pas là. Bravo. Tu remarques que Benjamin, Amaury ou Wen, nous n'avons jamais eu d'applaudissements. Alors, concours, on va dire, faut essayer de faire 3 virlangues de suite sans faute. Et assez vite. Alors, on va voir si quelqu'un peut en faire 3 d'affilée. Benjamin. Babette a fait bon mince à bord du bateau de Bob. Babette a fait bon mince à bord du bateau de Bob. Babette a fait bon mince à bord du bateau de Bob. Applaudissements. Tu les as mérités. Oui, c'était relativement simple. Charlotte. Étant sortie sans parapluie, il ne m'épuise plus qu'il pue plus tôt. Écartons ton carton, carton, carton nous gêne. Elle est partie avec tonton, tontaine et tonton. Bonsoir toute particulière pour Charlotte aujourd'hui. Parfait. Bon, Christelle H, tout ça. Il se sent encore motivé pour un dernier. Un petit dernier. C'est trop tard pour le tram. C'est trop tard pour le tram 33. Elle est pas mal celle-là. Hein, c'est ça, c'est tout. Il en manque deux, me semble-t-il. Oui, je vais les dire 3 fois de suite rapidement, mais c'est dur en fait. Je réessaye. C'est trop tard pour le tram 33. C'est trop tard pour le tram 33. C'est trop tard pour le tram 33. Bien. Tu vois, c'est passé. Amaury. C'est de lire lentement d'abord. Dinon, Dina, dit-on. Du dos, dodu, d'un dos, du dindon, du don. Et dit, dis-don. C'est bon le dos, dodu, d'un dos, du dindon, du don. Oh, dis donc. Et plus rapidement, dis non, Dina, dit-on. Du dodo du dindon du dindon du don. Et dit, dis donc, c'est bon le dodo du dodo du dindon du don. Il faudra même la faire un peu plus rapidement quand même. Là, hein. Et trop peu de suite, s'il vous plaît. Comment? Alors, dis non, Dina, dit-on. Dis non, Dina, dit-on, dit-on, dit-on. Dis non, Dina, dit-on. Du dodo du dindon du dindon du don, dit-on. Non. Dis non, Dina, dit-on. Du dos, dodu, d'un dodu, d'un don, didon, du don. Courage. Pardon. Des gros gras, grands grains d'orge. Un peu d'aide, c'est bon. Quelqu'un veut un café? Allez, une dernière fois. Dis non, Dina, dit-on. Du dos, dodu, d'un dodu, d'un don, du don, didon. impossible. Celle qui est difficile aussi, c'est celle sur les Basques. Ouais. Qui veut essayer? Je pense que c'est toi qui... Ah, tu l'as bien présenté. Ces Basques se passent, se casquent et se massent jusqu'à ce que ce masque et ce casque se cassent. Wow. Est-ce que... je suis d'avis d'arrêter d'applaudir les filles, s'il vous plaît. Mais en tout cas... Est-ce que tu voudrais bien essayer mon dindon, là, voir si tu y arrives? Dis non, dis na, dit-on, du dodo du d'un dodu d'un don du don, et dis donc, c'est bon le dodo du d'un don du don. Et voilà. On aurait pu applaudir, mais on ne le fera pas. Enfin... Moi, je tiens juste à dire que Charlotte, c'est la meilleure. Oh, il y avait quand même un petit concours avec Benjamin. Benjamin n'est pas mauvais non plus. Des gros grains d'orge. Oui, il n'est pas mauvais, mais il a perdu, quoi. Les grains d'orge, je n'y arrive pas non plus. Hein. Non ? Je m'aplatis. Est-ce que tu te sens d'attaque pour réessayer maintenant, allez, après allez. Toute cette préparation ? Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand te des gros gras, grand grain d'orge vas-tu ? Je me des gros gras, grand grain d'orge. Voilà. On y a cru. Ouais, j'y ai cru. Je réessaye une dernière fois. La volonté. La allez, volonté. Allez, allez. On y croit. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand te des gros gras, grand d'orge vas-tu ? Non, bah voilà. Point, point, point, point, point. Il reviendra en 2009. Il va... Je crois que celle-ci, c'est la plus difficile. Ouais. Quelqu'un veut l'essayer ? Ça, c'est du challenge. Ouais. Moi, je peux essayer, mais je pense pas que j'y arrive. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand te des gros gras, grand d'orge auras-tu ? Je me des gros gras, grand... Elle a trouvé plus fort qu'elle. Impossible. Ah non, moi, je préfère pas essayer, là, c'est bon. Si, je pense que tout le monde devrait l'essayer, justement. Ok. Pour montrer la difficulté. Oh. Allez. Aïe, aïe, aïe. Là. D'accord. Dis-moi, gros gras grand. Le dis-moi était bien. J'étais bien parti. Dis-moi, gros gras grand grain d'orge, quand te des gros gras grand grain d'orgeras-tu ? Je me des gros gras grand grain d'orgerai quand tous les gros gras grand grain d'orge se des gros gras grand grain d'orger. Wow. Tu as juste oublié un verbe. Seront. Seront. Mais j'étais presque. D'ailleurs, du verbe se. Des gros gras grand d'orger. Cherchez-le dans le bécherel. Serge, à ton tour. Oh, c'est pas si difficile que ça. Bon. Dis-moi, déjà ça commence bien. Gros gras grand d'orge, quand tu te dégorgeras, tu. Je me dégros gras grand. Tous les gros grains d'orge seront dégorgés. J'ai. Merci. Excellent. T'as pas réussi, mais bon, on voulait quand même t'applaudir pour l'effort qui a été fourni. Merci. N'oublions pas Amaury qui l'a pas fait, me semble. Si, Amaury l'a pas encore fait, c'est vrai. Voilà. Non, mais moi j'ai la possibilité d'arrêter l'émission. Il est temps maintenant de dire au revoir. Dis-moi, gros grain d'orge. Je suis encore le dindon dans la. C'est qui le dindon de la farce, là? Allez, derrière. Dis-moi, gros grain grand d'orge. Quand des gros gras, grand grain, gros dégorgeras-tu ? C'est un gros dindon, ça. Il y a assez de gras, n'en ajoutons pas davantage. Si quelqu'un chez lui arrive à enregistrer cette phrase, à la faire sans erreur, je pense qu'il pourrait l'envoyer à FrenchPod. Ouais, ce serait une bonne idée. Afin de la faire partager à tout le monde, une fois au moins correctement. Voilà, que tout le monde voit un peu cette. Elle est possible, elle est possible. C'est possible. Bon. Ah, on en a oublié un. Oh. Lulu lit la lettre lue à Lily et Lola à la Lil ou Lala Lilo Lila. Pas très dur. Après tout ce qu'on a entendu. J'en ai une très facile. Croix crème, croix crème. Non, faut la dire 10 fois de suite, super vite. Croix crème, croix crème, croix crème. Et l'archiduchesse. Mais... Ah, on va terminer par l'archiduchesse, s'il vous plaît. Bon, Amaury. Non, je tiens pas à terminer. Non, non, non, non. Peut-être vous pourriez terminer à deux par les chaussettes de l'archiduchesse. On va essayer, voir ce que ça donne. Ok. Trois essais, ne l'oublions pas. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? Magnifique. Là, on peut applaudir. Ouais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'était le virlangue de la fin. Alors, en tout cas, merci à tous les quatre d'être venus. Franchement. Merci à Maury. Pourquoi pas une prochaine ? Ouais, c'est sympa. Avec grand plaisir. Donc maintenant, on se revoit très bientôt en 2009. En attendant, il y a toujours les leçons qui sont sur frenchpod.com. En tout cas, très bonne fête à tous. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Bonne fête à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.